parfois c'était pas ça. Pour me faire pardonner, je reprenais tout bas un air que vous aimiez. Si je suis monté sur scène, si je suis monté sur scène, braver les gens et la haine. Chanter, chanter, chanter, chanter, chanter.